Comment ça, je suis pas manuel? Du terrain. Mais voyons donc. Peut-être que je, même un jour, je chanterai plus. Mon petit wawara. Je vais avoir plusieurs métiers. Non, mais en même temps, mon petit champignon magique. Oui, non, mais quand j'ai chanté. Tu penses à moi? Tu me connais à peine? Bien sûr. Aujourd'hui, le lundi 26 septembre 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio d'Isabelle dans la vieille capitale et diffusé sur 5RL, le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la 20e tour de Farfadet dans le cadeau de l'invisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald. Ah ça, on se rejoint beaucoup avec ça. Ouais. De bouger, si tu veux, pour aller des fois, on ne sait même pas où. Hein. Non, mais en même temps, on peut aussi bouger en restant sur place. Oui, bah voilà. En fait, on est toujours dans le même. Le corps est limité, mais la conscience, elle est en On l'a fait. L'interview et le clip, c'est pas une petite mode, même si c'est un peu la mode, tout ça maintenant. Mais c'est que nous, on vient de loin. Moi, quand j'étais dans les hôtels, j'ai les bars, cette les machins que je chantais, j'étais loin. Je peux vous dire qu'un jour, même moi, les chants spontanés que je faisais, c'était peut-être ma fille. Je m'amusais, mais je me disais, ouais, jamais j'ai la sensation de tu vois. Et là, il a changé, c'est grâce à Bascule. Genre le beau, de vouloir plaire à tout le monde. C'est vrai. Mais là. C'était parfait ou c'est un petit peu parfait. On essaye de plaire à tout le monde. Il y a une série. On s'en fout. Ouais, exact. Oui. Tu attends en chemin. C'est un peu comme la sécheresse de l'auto. Ouais, la libre de la histoire. Bah oui, mais nous, on est appelés. Alors là, on arrive devant ça. Et on voit les spéciaux et les prix réguliers. Il y en avait une, vous savez, celle qu'on retrouve dans les hôtels. Il y a juste un jet. Ça fait mal, ça te pince. C'est un chat qui veut bondir dessus quand il est en satanique popette. Notre premier concert comme ça, je me disais, mais c'est bizarre. Oui, Chanteuse de la gueuleuse, ah, ouais, c'est sage de ce prénom là. Tu connais, toi? Bah, je vois pas, mais j'ai vu. c'est certain que les grands espaces si caméra serait nette, c'est d'improvisation. Donc si tu l'as visuellement, et puis j'arrive devant. Ah oui, c'est ça, je te dis, c'est en trois dimensions. C'est ça, c'est 3D. La musique. Je prends mon cellulaire. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais appeler pour voir si ça fonctionne. Les sensations, c'est ça. Elle l'a pas trouvé. Il y a toi, par exemple. Et puis, donc, c'est vrai, je dis ça. Et puis, donc, il en restait juste deux modèles, un à 6 réglages et un autre à 5. Elle me dit, oh, 6 c'est trop, je vais prendre celle à 5. J'ai dit, parfait, moi je vais prendre. Parce que y a, dans l'émission et dans la réception, il y a un phénomène aussi où tu mets ce que tu reçois à un endroit. La voix. Et je dis, ok, c'est facile. Et là, avec là, faut des petits exercices place, qu'on fait, un petit recouvrement, un plastique très mince. Et puis, ce qu'ils offrent, là, c'est de l'arche nordique. Ça ne vaut pas une scène noire. C'est tout collé ensemble. On dirait que là aussi, il a eu chaud. Le ruban a eu chaud et il veut plus décoller. C'est là où je vais faire un comme je fais ma propre bière et que je dois à chaque fois nettoyer mes bidons et remettre autour ce petit plastique, genre des séries, les liens malheureusement sont bleus, je sais que pour toi esthétiquement, c'est pas ce que tu désires. Ouais. Mais si tu fais attention, est-ce qu'on risque de voir le bleu? Plus efficace. Ah ben, il y a tellement de plus que j'accepte. Là. Parfait, j'ai dit. Tu vas voir le résultat sur la mienne. Hein? Sur ma... Chers amis, chez... La touche téléphone, toujours. Arrêtez pas. Vous avez si je vous... Je sais que vous êtes c'est l'heure de... Si je vous ai bien compris... Si je vous ai bien compris... Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois. Tu vois? C'est génial. Et elle avait hâte au résultat final, c'est-à-dire d'ouvrir l'eau, parce qu'elle s'imaginait que ça allait fuir de toutes parts, sauf dans la douche téléphone. J'ouvre. Tout allait numéro un. Alors, c'est-à-dire que le jonc qui va au fil et au tuyau, ça dégoulinait pas. Le tuyau à la douche téléphone, ça dégoulinait pas. Et ce qui sortait, c'était de l'eau uniquement des trous de cette poire. Et là, elle était ébahie une seule fois, une seule prise. Alors là, on installe tout ça, là, on s'en va chez elle à l'île d'Orléans. Et là, je me rends compte que la position que j'avais de plus, c'était l'arrêt d'eau. Alors, tu avais 5 jets plus un arrêt d'eau. Je dis, ça serait à quoi de mettre un bouton pour qu'il n'y ait plus d'expulsion liquide? Je sais pas qu'est-ce qui leur a passé par la tête. C'est sans doute pour augmenter le prix de 2$. Mais en même temps, je l'ai payé le même prix, 16,95. Et 16,95 pour un objet aussi extraordinaire. J'étais... Bon. Alors là, je l'installe. Ça a pris le même nombre de temps. Mais on avait un peu joué parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est que elle tenait fortement à ce que en haut, là, on puisse réguler la position. Puis là, elle me dit là, à la caquerie, non, je suis sûr que c'est fixe. Puis j'ai dit non, il y a une boule à l'intérieur qui va faire jouer le manche. C'est pas proche. Et elle me dit, je te fais confiance. Oh, ouais, notre couple, hein, comment ça. Ça fait même pas un mois et demi, puis hein, vous sentez que. Oh! Non, il n'y aura pas de mariage. Donc, j'arrive chez elle, mais on avait forcé un peu sur le sien pour montrer que ça jouait avant d'aller chez elle. On l'avait déballé. Tu te dis que tout est grand. Alors, on s'en va à l'île d'Orléans. Cette famille, donc. Ça commence à être long. Il y avait une filée de voitures. Puis souvent, c'est des visiteurs. Hein, puis ils vont pas vite. Possible. Ils vont pas vite, puis ils regardent partout. Hein? Est-ce qu'on peut acheter des pommes, des fraises? Oui. C'est pas le temps des fraises, madame. Non. Oui, je tiens à vous dire que le 28 septembre, là, les fraises, s'il y en a, sont en serre. Je les conseille pas. C'est pas très bon. Pas juteux, pas sucré, pas de goût. Mais si vous voulez, une sorte de fraise, comme disait mon ami... George Orwell, qui ressemble à une fraise, qui a la couleur de la fraise, mais qui ne goûte pas la fraise, mais achetez-en. Puis en plus, c'est un prix paradis. Donc, on attend la queue. Il était déjà défait, donc je l'installe. J'ouvre l'eau. Et là, ça fuyait au niveau de la Alors là, je défais la... Non, mais c'est passionnant! Tout le monde s'endort, Madame Tremblay. Oh! C'est trop terre-à-terre. Alors, après ça, on va déraper, faites-vous en pas. Alors là, j'enlève le joint qui enferme la bille. Effectivement, hein, la petite rondelle plastique, je sais qu'il y a un terme en anglais que j'utiliserai point, était défait. Donc, je le replace, je le remets, je le fixe. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Et puis pour le temps, placerez sur le Sunday ou sur le gâteau, sur n'importe quoi. Mais je pense quoi. Que là, ça commence à venir un peu dans On l'a essayé! Si on prend, c'est un assez bien accueilli, mais vraiment, on va en suivre, Yeah. j'adore le soir. Sinon, qu'est-ce qui se passe chez vous, Madame Tremblay? J'ai raté ma mayonnaise. Mais voyons donc, oui. Est-ce que, monsieur, oui, pouvez-vous me tutoyer? C'est ça que je fais. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Ça vous arrive souvent? Moi, je ne suis que brouillon. Oui, c'est vrai. Je ne suis que brouillon. Je cherche la moindre chanson. Je suis un brouillon. Mais un brouillon qui le sait. Parce qu'il y en a qui vivent toute leur vie sans le savoir. Qui? Je peux pas nommer des noms, il y en a tellement. Tu sais, on est dans une société où tout est brouillon. On improvise constamment. Avez-vous des exemples? Actuellement. Ça peut te terminer dans un actuellement. Texte, maintenant. Maintenant. Là. Ah, moi. Ah, oui, c'est vous, monsieur Grenier. Non, ça n'a jamais été Grenier. Mais c'est pas grave. Je pense que j'aimerais bien être. Parce que l'émission se passe, comme disait mon ami, dans cet espace créatif. Vous avez passé à un cheveu, oui. Ah oui. Oui, là, j'en ai tellement de cheveux que je passe jamais à côté, hein. Je passe dedans. Un peu comme un rasoir. Connaissez-vous? Ouais. Non, je peux pas dire de marque. Non, sinon ça risque de pas se vendre. Je me suis acheté sur les internets. Là, ça m'a fait mal aux intestins, moi, là, parce que quand je dépense de l'argent pour rien, je me demande pourquoi je me suis fait attraper. Parce que tu vois un petit vidéo. Un petit vidéo rempli de montage, mais moi, quand même, j'ai 77 ans. Ça va, c'est quelle belle vie. Oui, monsieur, j'ai eu 76 il y a un an. Donc, ils m'ont dit 76 plus 1, c'est 77. Maturité. Ça fait que je fais confiance. Moi, calcul mental, des manteaux. En fait, on va être en hiver, c'est oui. Un peu de manteau. Mais j'en enlève des couches. J'en enlève pour avoir l'air plus normatif. Puis après, quand je trouve que je suis dans... Oui, je fais partie du cercle, mais là, j'en rajoute. J'en rajoute pour avoir l'air un peu plus extravagant. Extravagante, c'est vrai, c'est moi. Extravagant. Non, mais les personnages se chevauchent. En parlant de chevauchement, et après, avez-vous déjà monté, parce que c'est moi-même jamais. Mais avez-vous déjà monté à cheval? Ah oui. Ça, où elle est la mode? Ben oui, c'est long, parfait, s'il vous plaît. C'est ce qui t'a construit. Bon, là, les gens se demandent qui est Wally Lamotte. Moi, tu sais, j'ai pas fait trop d'études, en tout cas officielles. C'est bien. Je vais vous le dire. Ben oui, parce que pas trop c'est un chanteur. Parce qu'on doit se déprogrammer quand comédien. Drake disait, on doit très bon comédie, très bon. Mais quand on dit comédie, c'est pas parce qu'il fait rire. Déjà qu'il y en a toujours des déprogrammations. C'est un comédien. Là, moi, peut-être. Ouais. Et moi, donc, je mettais sur mon il a CV, fait beaucoup de films de l'ONF. De la vie. Ah oui, ou l'école que de la vie. Dire, voilà, l'école de la vie. C'est ça, Horizon National. Frétillant. Voilà, mais c'est ça. Pas vraiment, non. ONF, Office National du Film. Mais en même temps, c'est pas juste conduire une voiture. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est l'ONF. Ben non, mais écoute, c'est ONF, c'est en fait les diminutifs. Les plus simples du premier mot, de chaque mot. Diminutif de chameau. Ça, c'est pas en Égypte, là. Il n'y a pas de chameau. Mais en Égypte, il y en a des chameaux. Mais il y a aussi. Il y a aussi beaucoup de sacs en plastique. Avez-vous déjà été en Égypte, vous? Moi, dans ma tête, régulièrement. Parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est le Nil. Le Nil, parce que ça rime avec sénile. Et la sénilité, dans le cas de l'émission que vous entendez présentement, c'est une bonne source d'improvisation et d'intérêt. Mais celle-là n'est pas prêteuse. Ah non, c'est là son moindre défaut. Mais au moins, elle fait décoller un peu de tympan puis de commotion cérébrale. Puis quand t'as pas de commotion cérébrale, ça va mieux dans ta vie. Mais il y en a qui s'en sortent très bien. Et bravo à ceux qui peuvent vivre heureux et un peu plus... comment dire, donc? Comment dire donc? Il te manque des mots? Non, il manque une petite phrase pour finaliser tout ça. Là. On appelle ça dans l'humour puncher. Ah, mon Dieu! C'est de Shakespeare? Ben, c'est ça. C'est bien certain que c'est pas du Molière, là. Puncher. Hein? Punch. C'est en anglais? Ah, ben. Je pensais que c'était en italien. Okay, mon Dieu. Une chanson italienne, une chanson rien qu'à nous. Je sais même pas qui chante ça. Mais, tu sais, c'est des relents. Mais quand les relents m'arrivent comme ça, c'est presque douteux, mais ça annonce une excellente émission. Oh! C'est qui le monteur? On va vous le dire. Êtes-vous prêt? Avez-vous un crayon puis un papier? J'ai un papier, mais pas de crayon. Ça serait bien d'avoir l'inverse. Parce que vous pourriez écrire ça sur votre peau. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai oublié ma réplique. Oui, j'ai un crayon, mais pas de papier. Bon, utilisez votre peau. Ma peau, manque de peau, vous en avez pas. Ben, non, mais j'ai maigri, hein. J'ai tellement, mais... Voulez-vous que j'inscrive tout ça sur mes ossements? Ben, ça, ben, si vous voulez, là, c'est à vous. C'est ça. Êtes-vous un serpent? On dirait que vous oscillez. Oui, c'est ça. Non, mais je cherche pourquoi vous avez plus de peau. Ah, ben, j'ai tellement maigri. Mon ami... Ouais, mais mon ami, mon compagnon de vie. Ah, Madame Grenier. Ah oui, c'est moi. Ben, vous m'avez pas reconnu. À peine. Parce que là, la radio, des fois, on dirait que votre... Ah ben oui, mais là, je tiens à vous mentionner que j'ai le masque. Le masque! Vous êtes masqué? Je suis masqué! Allez-vous faire un vol à main armée? Oh, jamais! Ah, mon ami, moi, écoute, les vols. Moi, je prends des vols. C'est un avion, mais je fais longtemps, là, parce que on veut plus m'inviter. C'est normal, là, tout est fermé. Ben oui, tout est fermé. Il n'y a rien d'ouvert. Des pays. Madame, chose. Ça, c'est bien. Quand tu sais pas le nom de quelqu'un, là, tu sais, dans il n'y a pas si longtemps. Ça fait à peu près 20 ou 30 ans, il y a des personnes qui disaient Madame Chose, Monsieur Chose, Monsieur Machin. Puis même Gainsbourg a fait une chanson là-dessus. Monsieur Machin, Madame Chose. Et puis, vous aimeriez rien entendre? Mais j'ai pas le disque. J'ai pas le 33 tours. Mais c'est certain qu'il fait même pas un tour. Fais un tour sur toi-même, tu vas tomber par terre. T'es pas une ballerine? Cœur chagrine, tu sais, je te ressemble un peu. C'est une petite allusion à une chanson de Serge Lamar. Mais je connais pas tout le texte. Je ressemble un peu. C'est la mélodie, mais en même temps, c'est la mélodie un peu rapide. Et puis sinon, comment ça va chez vous? Ah, mais oui, j'ai fait mon prélat. Écoute bien, j'avais un plancher flottant qui flottait plus. Pourquoi il flottait plus? J'ai demandé comme ma sécheuse la semaine dernière. Là, tu te souviens de ma... Attendez, je suis en communication avec l'au-delà. Non. Ça m'a... C'est eux autres qui rentrent en moi. Hein. C'est pas moi qui rentre en eux. C'est comme mon mari. Ça, c'est un rire gros, hein? Un rire cochonné, comme on dit à la pétanque. Je vois la pétanque, vous? Ah, ben, j'ai de la misère à jouer aux cartes. Je fais de l'arthrite, moi. Depuis 6 ans, là, je fais de l'arthrite. Je me suis acheté un bracelet qui attire l'arthrite. Mais je pense que ça m'a attiré de l'argent plus que de l'arthrite. Ben, en fait, ils m'ont soutiré de l'argent. Ils m'ont pas attiré, ils m'ont soutiré. Et j'ai acheté 8 bracelets. 75 piastres! Je le dis, 7,5. 75! Parce que là, je fais même de l'arthrite buccale, moi, là. C'est pas facile. Ma vie, là, est confinée. Ah, l'arthrite! Il pleut, je le sais, avant. Il devrait m'appeler à météo, tu sais. Croyez-vous? Puis allez pas voir votre carte du monde, là. Moi, je le sais. Tout est en moi, tout rentre en moi, puis je peux tout divulguer, si vous le voulez. Mais là, comme ça m'a coûté cher en bracelet, il faudrait peut-être un peu payer. Hein? Toujours l'argent, toujours... Hein? On est peu de choses. On est considéré comme un billet de dollar. Quand vous rentrez dans une épicerie, qu'on vous dit « Bonjour, madame! Bonjour, monsieur! » On vous dit pas « Bonjour à vous! » on dit bonjour à votre portefeuille. On vous dit, hey, vous êtes un ami, une amie. Dépensez chez nous. On va faire des profits. J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté. Tout ça, c'est de Frida Kahlo. C'est une artiste peintre, je ne l'ai jamais dit là, depuis le début, qui est née en 1907 et décédée très, très jeune en 1954. Alors là, j'ai voulu... Je veux rebondir sur le fait de la musique métal. Si vous êtes musicologue et que vous connaissez toutes les structures et tous les mouvements musicaux, Écrivez-moi à Reynald Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercialhotmail.com, où j'ai aussi un Facebook, et pour me dire à quel moment une chanson ou un artiste devient métal. Parce que là, Marilyn Manson, depuis le début, à part la première chanson, bon, qui n'était pas vraiment métal selon moi, mais que j'adore. Là. Je ne veux pas non plus dire que ce que je vous diffuse et n'est pas à la hauteur de ce que j'adore. Mais selon moi, c'est pas du métal. C'est peut-être du rock un peu plus prononcé, mais il y a plusieurs styles de métal. Ça, je le sais. Et j'en ai entendu, comme le groupe Fœtus, qui lui veut... Ça, c'est du métal. Mais lui, c'est très accessible, c'est pas compliqué. C'est de la pop métal. Est-ce que ça peut rentrer aujourd'hui... Excusez-moi si je vous ai fait saigner les tympans là, en faisant mon métalleux agressif. Mais est-ce que ça peut rentrer dans le métal commercial... pop. Tain. Je vais jouer à Claude Rajotte, là. Qui est Claude Rajotte, Mme Thibodeau? Mais moi, j'ai jamais connu de Claude Rajotte. Ouais, j'ai connu des Claude, mais pas Rajotte. J'ai connu Claude Sanson. Ah, ça, c'est un bel homme, hein? 62 ans, drette comme un pic, qui était un ancien bûcheron en 77. De 77 à 79, là, il y en a bûché des chaises. Pis, non, lui, c'était pas des armes, non. C'était des ameublements. Ah, mais oui, il était comme ça. Il était très, très violent. Mais au niveau de la... ouais, pas de la bûche, au niveau de la... pas de la scie non plus. Au niveau de la hache. La hache. Hache. Ah. Achetez-vous-en une, vous allez savoir ce que c'est, voyons donc. C'est un manche avec une affaire en métal, puis c'est un bout pointu. Ça ressemble un peu à un couteau, mais beaucoup plus... beaucoup plus masculin, là, tu sais. Puis même féminin, ça dépend. Il y a des femmes qui bûchent. Ah oui, les femmes bûchent plus que les hommes, selon moi. Mais en tout cas, ça, c'est... attendez-vous. C'est mon œsophage. Je suis comme Camille, la chanteuse Camille. Mais ça, c'est un accident. Je suis sûr, elle aussi, que c'était un accident. Elle ne savait pas qu'en tapant comme ça... Il y a sans doute des professeurs qui lui ont dit, « Camille, tu es sur le fil. » C'est elle, Camille, sur le fil. C'est celle qui chante sur le port, puis tout ça, là. Vous ne connaissez pas Camille? Ça n'a rien à voir avec le métal, là. Mais c'est une voix qui est un instrument. Bon, là, vous allez vous dire... vous allez me dire, parce que moi, je le sais, vous allez me dire, est-ce que c'est un instrument à cordes ou à... Non, c'est un instrument à voix. Elle fait... Mais je fais le Camille masculin, s'il vous plaît. Excusez-moi si j'ai pas de grand talent comme elle, mais c'est pratiqué, moi, c'est de la capella, a cappella. Elle aussi, c'est 100 musiciens en grève parce qu'ils veulent pas contribuer à donner un petit peu de cachet, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et puis... quand vous frappez là-dessus, c'est pop... C'est une résonance, hein? Attendez. Je frappe, là, mais je dis rien, là. Attends. Si je parle, là. Mais il faut dire des notes. Ah, mais ou des... comment... Des onomatopées. Inhumain, comment? C'est inhumain, à dire ça? Non, c'est humain, mais si peu. Inhumatopée? Inhumatopée? On est... OK, on est stoppé. Mais il faut prendre le souffle, hein. Moi, j'ai pas de formation, là. C'est improvisé. Comme toute ma carrière, toute ma vie, toute mon existence. Mais c'est bien l'improvisation. parce qu'on sait même pas où on s'en va. Pour certains, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'ils veulent voir leur chemin s'ouvrir devant eux. Et moi, les œufs, là, j'aime bien ça, mais c'est fragile. Hein? On dit que ben si tu le prends sur le carrosse puis tu le frappes en dessous, là, sur le carrosse, ça veut dire sur le dessus. C'est selon... ouais, c'est une expression d'errance rénale. Ça n'a jamais été... Non, non, non. Les grands livres n'en parleront pas, là. Mais même les petits livres, hein? Les petits livres de poche. Un livre de poche. Je pense que leurs livres de poche sont trop gros pour nous rentrer ça dans... Hey, j'en ai des... oui. Oui, j'ai des pantalons avec une poche arrière. Puis j'aime bien ça quand on me dit « Vous voulez version livre traditionnel ou de poche? » Mais c'est bien beau si je prends de poche, là, mais ça rentre pas dans ma poche. Je sais pas, là, c'est trop gros. Pouvez-vous la scier? On peut le faire, là, selon quelques... oui, mais ça coûtera quelques dollars. Des dollars, on est habitué d'en cacher des piastres. Puis là, elle m'a regardé avec des airs, tu sais, avec un air un peu interrogatif. Oui, mais si on coupe, monsieur, il va manquer quelques mots. Ah, m'en inventer, je suis capable d'inventer des mots, moi, là, voyons donc. Placez-moi juste 3-4 mots au début, puis chiez-moi ça en haut puis en bas. Moi, vous inventez la suite et puis la fin. J'ai aucun problème avec ça. Oh, monsieur est... Ouais, monsieur, ouais, c'est monsieur. Ah, coupez-moi ça. On n'a jamais fait ça, mais faites-le maintenant. Ce sera unique. Du jamais vu. C'est bien du jamais vu, là, parce que... Hey, depuis le temps des temps... Ça, hein, c'est une phrase classique. Depuis le temps des temps. Depuis le temps des temps, on lit des livres d'une manière traditionnelle, mais sauf qu'il y a des pays, c'est de gauche à droite. Et d'autres, de droite à gauche. Mais moi, sciez-moi le livre, là, moi, vous inventez des mots, puis ça va devenir une structure narrative à ma manière. À ma manière. Et puis, ça peut devenir plus intéressant que l'œuvre intégrale. Mais là, c'est simplement selon ma vision à moi. Ma vision à moi. Comment ça vous avez dit à moi? Oui, mais j'ai modifié parce que je suis international. Oh mon doux. International rime avec mental. Bon, et tout rime avec le mental. Et puis là, c'est quoi la... Ah oui, tu cherches la phrase de la fin pour alimenter la chanson. Ah, vous avez raison, monsieur Grigny. Vous êtes un professionnel. Moi, un professionnel! Le professionnalisme m'a quitté. Le jour où j'ai compris le rouage, ben, la fonctionnalité, ben, de ce que représente tout ce que l'on vit actuellement, ah mon Dieu, vous êtes en plein questionnement. broken and I don't wanna be fit. I'm not special, I'm just broken and I don't wanna be fit. I'm not special, I'm just broken and I don't wanna be fit. I'm not special, I'm just broken and I don't wanna be fixed. Aujourd'hui, oui. Oh, ça va toujours bien? Oh, c'est incroyablement énergique, je crois, avec Marilyn Manson et bientôt mes deux amis, Céline Pelletier et Jean-René. Celui qui parle le plus, c'est Jean-René. Il y en a des belles histoires à nous raconter encore ce soir. Car aujourd'hui, le lundi 28 septembre 2020, l'errance. Les errances rénales. Ouais, avez-vous. Hein? Avez-vous remarqué que ma voix a quelquefois des choses étrangères? Ça, c'est ma presque imitation de mon ami Raymond Lévesque. Avez-vous remarqué sur les trottoirs? Il y a une belle reprise de cette pièce musicale qui me touche. Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants s'abusent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les grands passent et les usent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants font des rondes? Mais les gens pressés n'ont pas de mémoire, ils les arrêtent et les grondent. Avez-vous remarqué sur les trottoirs, les petites filles jouent à la mer, et les petites poupées sans le savoir ont un père à la guerre? Car sur les perrons, des petits soldats se livrent dure bataille, mais ça ne dure pas longtemps. Un soldat tombe sur le derrière et puis braille. De belles histoires qui valent au moins bien des contes. Quelquefois des grands dans l'auditoire ridiculisent leur prose. Ce ne sont pas les grands, vous pouvez me croire, qui sauraient faire la même chose. Si cela est dans votre vue, c'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande que les grands marchent dans la rue. On ouvre tranquillement les portes à Jean-René Lourtais et Céline Pelletier, car aujourd'hui, le lundi 28 septembre 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je chuchote. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Céline Pelletier et Jean-René Lourdet, deux êtres bien branchés de partout, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, des âmes sensibles, des êtres touchants, mes nouveaux amis que j'ai eu la chance de rencontrer en février 2020. Avant ce cataclysme planétaire. Alors, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, et laissons l'univers extraordinaire de deux amis qui sont devenus les miens. Je les renomme Céline Pelletier et Jean-René Lourdet. À vous, mes deux anges. Les anges s'en vont par l'innovation en nous et nous amis à nos maris. moi, c'est Lynn Pelletier, c'est Lynn Pelletier. Jean-René Lourdes, Jean-René Lourdes, Jean-René, Jean-René, c'est, Jean-René, c'est, Jean-René, c'est, Lynn, c'est, Lynn, c'est Lynn Pelletier, Lourdes, Gagné. Malasia, Malakereo, in a Malayu. in the mala ye mala la sirio mambana ye mala ye. Garde mon cœur ouvert. Quoi qu'il arrive, voilà. C'est pas simple. Ouais, non, mais... Il est passé, il a été merveilleux ce monsieur-là, il est passé dans ton dos. Il a juste fait un compliment. En fait. Ouais, tu vois. C'est... Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais été. Laisse-nous tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Eh, hey, gars, c'est pas ça. Ok, on va laisser ouvert encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, ça se passe. C'est ça le truc. Et dans cette musique, dans les musiques, quand tu arrives quelque part ou quoi que ce soit, si tu peux dire, voilà, avant même de commencer. Je te demande pardon parce que je n'espère pas utiliser ce qui va se passer pour en profiter pour refermer mon cœur. Je préfère dire, mais c'est un discours que tu as en toi, je préfère garder mon cœur ouvert, sache-le. Donc je te demande pardon tout de suite et je garde mon cœur ouvert. Et voilà. C'est en fait c'est une chose. Un état d'être. Bah oui. Un état d'être constant. Bah oui. Constant. Mais constant. Et oui, il faut se le rappeler parce qu'on a des passés comme tout le monde, on a des défauts comme tout le monde. Puis on peut déraper comme tout le monde. Comme tout le monde. Bien sûr. Ça peut arriver des moments difficiles où. Oula, oui, c'est on n'est pas Bouddha ou je sais pas quoi, on n'est pas dans tout ça. Non. T'as bien compris que tout ça marche ensemble. Au cœur du vivant, je dirais. Au cœur du vivant, donc ça englobe tout. Ouais. L'ombre, la lumière, enfin t'as compris. C'est vrai. Mais par contre, ça apprend tous ces instruments, c'est des maîtres parce que même la voix. De toute façon, quand tu, je sais pas si tu chantes toi d'ailleurs. Oui. Ben chanter sous la douche. Bah ouais, mais. mais bon, à mes émissions, je chante assez souvent. Oui. Ben voilà, ça je fait massacre, du bien. Je massacre, oui. Ça fait du bien à moi, mais je suis pas certain que ça fasse du bien aux auditeurs, mais peu importe. Ça leur fait du bien, peut-être dans l'humour, en tout cas, ou dans la joie. Oui, sans doute. Oui. Mais c'est en même temps, c'est de jamais se prendre au sérieux. Ah non. Jamais. Tu sais, c'est quand même quelque chose de ludique. Et c'est ça le problème, même nous, tu vois, qui sommes dans un rituel, ça paraît sérieux. Mais en fait, non. Et moi, je dirais que ce qui est génial, c'est de pouvoir monter dans les étoiles, mais en même temps, tu reviens aussitôt. Toujours revenir. Ah oui, mais c'est important. Bah après, ça travaille. Hein. C'est un peu comme un spectacle. Quand tu es devant une foule, tu reviens après. Bah voilà. C'est quand même difficile. Mais nous avons un clip que nous allons t'envoyer. Oui, tu vas comprendre le message. La phrase, on a mis une phrase en début de ce clip, ça n'est rien révélé, hein. Mais juste, nous ne sommes pas des êtres spirituels, humains, en train de vivre une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant en train de vivre une expérience humaine. Donc, c'est un petit c'est peu nécessaire de rester ancré. En fait, on est déjà dans la spiritualité, oui. Tous. Ce qui est intéressant, c'est la façon de voir la chose. Eh oui. Et de recentrer les formulations, c'est recentrer les formulations et les mettre dans un sens qui risque de nous transformer. Ben oui. C'est ça. Et ça, donc c'est... je la remets dans ton interview. Oui. C'est, nous ne sommes des êtres humains en train de vivre une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Et j'ai adoré quand tu as dit la formulation. T'allais commencer par dire formalité. Oui. Et j'adore ça. Oui. Parce qu'au niveau des formalités, nous en avons à remplir. Car il est bien évidemment nécessaire de remplir les formalités nécessaires pour rentrer là-dedans. Exactement. Nous rentrons sur un territoire très précis. Et justement, si on parle de chamanisme aussi, et tout ça. Un territoire à découvrir constamment et qui est pas semblable, qui se modifie au fur et à mesure et qui ne sera pas le même aujourd'hui. Ah oui. Qui sera demain. Donc, c'est de vraiment être là, présent, à l'instant même, et de ne pas faire des fabulations. Ah non, et de se normalement, c'est l'instant présent. Ça, parce que ça tue beaucoup. Ouf! Ça tue la réception, et ça tue aussi le fait de se centrer dans... Mais tout. Et de transformer l'anecdote d'un événement en finalité. Oui. Alors que si tu quittes cette sensation de l'anecdote, pour comme tu viens très bien de le formuler pour le coup, se remettre à l'instant présent, tout va bien. Oui. Et oui. C'est la joie. C'est vrai. Mais c'est une façon de vivre. Ah ben, nous, tu sais, tu verras que dans le clip, ça fait presque un peu comme un court-métrage, c'est pas le clip d'une chanson. Non, c'est le clip d'un message. Du concept. Ouais. Ouais. Et tu verras que nous, ça ne vient pas, à un moment je le dis, il y a l'interview et le clip, ce n'est pas une petite mode, même si c'est un peu la mode tout ça maintenant, mais c'est que nous, on vient de loin. Moi, quand j'étais dans les hôtels, les bars, les machins, que je chantais, tu vois, j'étais loin de me dire qu'un jour, même moi, les chants spontanés que je faisais, c'était peut-être pour ma fille, pour m'amuser, mais je me disais, mais jamais j'allais faire ça sur scène, tu vois. Et là, il a fallu pour nous faire une bascule. Aussi dans notre vie au quotidien. Oui, mais c'est ça, c'est une manière de vivre. Ah ben complètement, c'est ça que je dis. On dit ton être attire ta vie, c'est ce que tu es. Je pense pas qu'on peut être complètement différent de la scène. On peut, quelqu'un qui va être très timide sur scène, il se lâche. Mais en fait, c'est une part de nous, on est ce qu'on est. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas se travestir. Ben non. Tu montres une autre facette de toi, ou si on le fait, on peut pas le faire longtemps. Ouais, c'est parce ça. On se met à nous. C'est ça, c'est ça. C'est très intéressant parce que ça. Ça marche pas pendant longtemps. Ça marche pas dans le temps. Ça marche pas dans le temps. Clair. Tu peux mentir quelques jours, on va dire, quelques concerts, mais après tu es rattrapé par une réalité. Exactement. Bien sûr, qui est dans toi, tout. Qui est honnête. Et ne jamais se trahir aussi, d'être à fait centré sur... Oui, exactement. Et c'est ça qui est difficile pour plusieurs. Et garder aussi son intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'avais vu une phrase d'un comédien qui disait que c'était tellement vulgaire de vouloir plaire à tout le monde. Mais oui. Et c'est vrai. Oui. Puis tu t'éparpilles aussi en essayant de plaire à tout le monde, parce que c'est impossible. On s'en fout. Oui. Enfin, tu fais ton chemin et comme on dit, qui même me suivent. Ben si ouais, à la limite, pas ça, tu vois. Ouais, oui. Ben oui, donc nous, on est appelés par ça. Ben, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous connaissaient dans le truc un peu plus dansant. Ouais. Plus festif. Nous, on faisait des trucs festifs. Mais j'ai dit, non, mais attends, moi j'avais un rêve de chanter pieds nus, par exemple. Maintenant, c'est possible, je m'habille comme je veux. Et si on avait su qu'on allait faire endormir les gens, notre premier concert comme ça, je me disais, mais c'est bizarre. Mais alors, j'aurais même pas dû m'habiller en fait. Enfin, j'étais en train de me dire, ça a été bizarre la transition. Mais en même temps, c'est vrai pour peut-être rendre cette façon de faire là la plus pure, c'est de se dénuder, d'être venu devant sûr. Tout. Mais bien sûr, ouais. Il y a une espèce mais de symbolique. Mais en même temps, on a sacralisé la nudité, donc c'est devenu quelque chose... Mais complètement. Et tu vois, par exemple, nos concerts, on aimerait aussi les faire en pleine nature. Ah oui, ouais. On a commencé déjà. On a déjà fait. Avoir des lieux incroyables au bord d'un lac, au bord, tu vois. Là, pour le coup, le mot magique. Ah ouais, là. On a peut-être d'ailleurs... C'est en trois dimensions. Une opportunité de faire un 10 jours dans le désert marocain, des stages sur la voie, machin, et des concerts avec de l'immersion sonore. C'est-à-dire à l'intérieur d'une caravane où les gens s'inscrivent et on va être en immersion avec eux pendant 10 jours. Donc avec 15 une agence km de voyage et puis des berbères, dans les dunes avec les... Et même s'il pleut, c'est merveilleux aussi parce que la pluie est un champ. Non, mais c'est un élément. Et toi, moi, dans le désert, on a peut-être un peu choisi qu'il pleut pas. C'est ça. Je pense qu'il pleut pas toujours, mais bon. C'est super, il paraît que les nuits sont merveilleuses. Étoilées, je sais pas si tu connais, toi, non? J'ai vu, mais j'ai jamais vérifié, mais c'est certain que les grands espaces amènent cette ouverture vers l'infini. C'est ça. Donc si tu l'as visuellement et qu'en même temps tu l'entends c'est ça, je te dis, c'est en trois dimensions. C'est 3D. La musique, l'environnement, le décor, les sensations, tout ça. Il y a cette dimension de l'expansion. Alors quand on parle, parce qu'après, on peut en parler de ça, deux secondes, deux minutes. Oui. Tu vois, quand tu parles de ces trois, là, c'est un concert en trois dimensions. C'est intéressant ça, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a dans l'émission et dans la réception, il y a un phénomène aussi où tu mets ce que tu reçois à un endroit. Et avec des petits exercices qu'on fait, ça, par exemple, dans cette caravane, ça va avoir lieu. C'est un exercice d'expansion par l'écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y paraît pas, mais comme tu l'as très justement observé, à partir du moment où, là, à un moment donné, je canalise mon attention sur un sujet, en fait, c'est tout de suite là que ça commence, l'expansion. Voilà, je canalise sur la respiration, c'est là où tout d'un coup, tu vois, je vais rentrer en moi. Mais par contre, sur le son, par exemple aujourd'hui, à force de le faire, là, quand j'entends tout ça, c'est merveilleux parce que ça va jusqu'à là-bas, il y a le vent qui passe là. Tu vois ici, c'est la musique est partout. Là-bas, je l'entends et c'est un son, mais d'une vie incroyable. Et tu vois, je ne sais pas si tu l'as vu, là, ça commence à tourner. Là, par contre, quand tu rentres en connexion comme ça, dans le désert, bien évidemment, la réflexion elle est pertinente parce que là, il va y avoir très peu de son à l'extérieur. Et là, il y a une expansion qui est encore plus géniale, plus profonde. Et bien sûr, il y a le retour. Tu vois, parce que c'est un mouvement. En fait, on a tort de croire que le son part comme ça. C'est juste, tu vois, et voilà. Il acquiesce. C'est ça, le geste réel du son, c'est ça. C'est vrai en plus. Oui. Ça fait comme ça. Oui. Ah oui, oui. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a l'expansion, par contre, de ta conscience qui part là, dans ce mouvement. Et à un moment donné, elle revient. Tu vois? C'est génial. Ouais. écoute le cœur. Te dit que tu es vivant. Celui qui te dit que tout est grand. Celui qui te dit que tout est possible. Illimité. Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Mais je pense que là, ça commence à venir un peu dans tous les pays. Hein, mais ici, en France, on est quand même assez bien accueillis. Mais tu vois, on va en Suisse, ils sont déjà plus ouverts à tout ça. Ah oui, mais la Suisse est prête à tout, comme la Belgique. Grave. C'est Belgique, le Japon. Ah, c'est des pays qui sont vraiment très... Et au Québec, c'est comment? Les Indiens? Quand même ouvert, hein, avec ça. Mais comme j'allais dire, c'est une mode, hein, le retour aux sources, le retour à la nature, le retour à se centrer. C'est ça. Le stress aussi nous amène à ça. Le yoga, nous c'est le yoga. Le yoga. Ah oui, beaucoup de yoga, c'est un peu, ouais. Puis aussi l'acupuncture. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Il faut impérativement que Care Music vienne jouer chez toi. Bah oui. Ah, mais on aimerait bien. Et tu viens avec nous et tu viens faire la première partie. Ouais, ça n'a rien à voir. Hey, j'ai 10 questions puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Je vais poser les questions à... Si tu étais un liquide, c'est... De l'eau. De quelle sorte d'eau? Pas pétillante, hein? De l'eau douce. Si tu étais une ville? Ah, Biarritz. Parce que c'est la ville d'où je viens et là-bas, il y a la mer. Ok, t'es chaud, ouais. Ah, ouais. Non, c'est la mer de Biarritz, je ne l'ai jamais retrouvée. Et elle est salée et elle pétille après les vagues. Ah ouais, c'est bien. Ah, ouais, c'est vrai. Tu vois, on est différents, c'est ça qui est bien. Si tu étais une langue? Une langue? Génial. Ouais, eh ben... Je suis tentée de dire soit une langue inconnue, parce que c'est un peu ce que je fais, mais j'aime beaucoup l'espagnol. Ok, parce qu'elle chante. Ouais. Les langues latines. C'est... Elle vibre aussi. J'aime le portugais, j'aime l'espagnol, j'aime l'italien. C'est vraiment des langues qui me parlent. Qui t'interpellent. Ouais, vraiment. Si tu étais un mot. J'en ai un pour toi, mais. La paix, oui. Ouais, c'est quelque chose que. Finalement, que j'assume de rechercher depuis toujours, que je trouve de temps en temps, que j'espère offrir aussi. C'est une quête. C'est une quête. Une quête. Ouais, vraiment. Ouais. La paix. Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Alors, ce qui me vient, là d'un coup, c'est la fruit de la passion. Oui. Parce que je suis complètement dingue des fruits exotiques. Et malheureusement, si tu en achètes ici, bon, très cher. C'est cher. Et très puis cher. Bon, tu... Puis des fois, donc, c'est décevant. Voilà. Parce que le transport est quand voilà. même... Voilà. Alors, ça m'ennuie, mais... Mais sur place, quand tu... Ouais, voilà. Si un jour, je peux vraiment déguster. Je trouve ça beau, ce fruit, tu vois. Ça me ressemble. c'est... J'adore. Est-ce que tu es carnivore? Non, je mange plus de viande depuis un moment. Ouais. Je mange encore un peu de viande. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça va pas tarder à s'arrêter parce que on partage énormément et c'est quelque chose qui est en chemin. Okay. J'ai arrêté beaucoup de choses. Mais c'est un processus. Oui. Mais t'es pas prêt, mais tu veux arriver à ce moment-là. Absolument. Parce que si t'es pas prêt, puis tu le fais, tu vas chuter. Bah, tu vas bien sûr. Ça n'a pas d'intérêt. Je suis d'accord. Arrêter la cigarette, j'ai fumé longtemps. Et ça a été quelque chose de très important parce que ça m'a montré qu'il y a un large processus de changement. Oui. Il y a une déprogrammation, il y a des changements précis. C'est long. J'ai arrêté parce que c'est le geste. Hein. Oui. Aussi. Oui. La répétition. Après, j'ai arrêté de boire. J'adorais le vin. Je me suis régalé longtemps dans ma vie à boire du vin. J'adore ça. L'alcool, pas trop, mais les vins, oui. Les vins, oui. Et j'ai arrêté aussi parce que, par contre, musicien, quand tu joues beaucoup, tu as toujours tendance à ouvrir une bouteille. Ah, bah oui, mais là, tout le monde t'a aidé. Et à la fin. Et on t'offre des verres à gogo. Tu payes pas, donc tu bois. Bah oui, et ce que j'aimais pas trop, c'est aussi, pour être tout à fait honnête, à un moment donné, tu perds un peu connaissance avec la conscience. Ouais. Je préfère être en pleine conscience. Maîtriser tout. Oui. Essayer de. Bah, voilà, oui. Être bien réceptif à ce qui se passe peut-être. Réellement. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Si tu étais un membre corporel. Les pieds. Ben oui. Les pieds, parce que j'ai. Mais il y a beaucoup de chanteuses qui dansent. C'est vrai? Qui chantent pieds nus, comme Camille chante pieds nus. Ouais. Camille, en plus, on parle de vibrations, ouais. On parle d'instruments. Bah, j'adore, tu me parles d'elle, j'adore. Elle l'a appris bah, avec les années, exactement, bien sûr. À faire des sons. Bah, voilà. Tous ses albums bah, sont Camille. Zen, et très, très ouverts. Bah, voilà. Ouvert. Donc, si tu veux, les pieds, c'est clair, pour être dans la terre et sentir voilà, les pieds. Si tu étais un moment de la journée. Oh, j'adore le soir. J'adore le soir pour toutes les passerelles qui sont là. Et qui m'emmène de la manière la plus naturelle dans mon sommeil à avoir accès à tous ces mondes incroyables où on ressort des nuits avec des rêves. Ah ouais. Ah ouais, c'est magique. Et je dois reconnaître aussi que j'aime bien le matin aussi pour pouvoir en parler. Oui, c'est vrai, ça peut être vrai. Non, mais parce que c'est ça, il faut décoder après les rêves. Ah oui. Il faut essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des messages quand même. Oui, exactement, décortiquer. Et Freud était très fort là-dessus. Mais on peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin parce qu'il n'y a pas de clé. Non. Il y a pas de il y a uniquement des révélations. On dit qu'il faut noter normalement dans l'instant avant de se lever. Écrire, le mieux, c'est prendre un magnéto comme ça. Ah bah ouais. Super, ouais. Ah bah, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien. Et après, ça peut te terminer dans un texte, ça peut faire une chanson. Oui, bien sûr. Si tu étais un autre individu. Un autre individu, mais humain? N'importe quoi, n'importe qui. Je pense que j'aimerais bien être, tu sais, un peu comme des martiens dans une autre galaxie. Une autre stratosphère, ouais. une autre ligne parallèle. C'est ça, ouais. J'aimerais bien sentir mon corps d'une autre manière. Oui, est-ce que tu m'autorises à lui faire un cadeau? Oui. À la langue, elle a bien répondu l'espagnol. Oui. Un amor, un amor divino. Llorando y me decía. Ça c'est bien. Tu vois, lui, il a l'âme du gitan. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Pardon? À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui, oui, oui. Sans aucun doute. Parce que c'est ce qui t'a construit? Oui, absolument. Pendant longtemps, j'ai été en conflit avec ça dans ma vie. J'étais en colère, je n'autorisais pas de pardon. Ça va, c'est quelle belle vie. Quelle belle vie. Mais peut-être aussi que c'est la maturité qui fait en sorte que. Alors, c'est marrant ça, ce mot maturité, je l'accueille. Ou l'expérience. Oh, l'expérience, ouais. C'est ça que tu préfères. Ouais, ça me résonne. Parce qu'en fait, on peut être mature à n'importe quel âge. C'est vrai, dans un c'est sens. Vrai. Tu sais, même il y a des enfants qui sont oula, très. Oula, en 2010, je suis parti marcher 70 jours. Je suis parti de Vézelay jusqu'à Fisterra en Espagne. Sur le chemin de Compostela. Ah, oui. Et il y a une chose que te montre la marche. C'est à un moment donné, il vaut mieux devenir silencieux pour bien regarder où tu mets les pieds. Ah oui, tu tombes. Hein. Donc tu peux avoir des pensées, il faut les rendre un peu silencieuses. Tu peux avoir envie de parler à quelqu'un qui marche à côté de toi, mais regarde toujours où tu mets tes pieds. Et après, tout ce qui monte redescend et tout ce qui descend remonte. Et toi Céline, est-ce que tu fais le même chemin? Ah oui, carrément. Bah oui, parce que tout est parfait, en fait. C'est ce qui t'a construit aussi. Ouais, carrément. Moi, tu sais, j'ai pas fait trop d'études, en tout cas officielles. C'est bien. C'est bien, oui. Parce que t'avais pas trop de déprogrammer, parce qu'on doit se déprogrammer quand on est... Grave. Drey disait, on doit désapprendre notre enfance. Ah oui. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a des... Déjà qu'il y en a toujours des déprogrammations à faire. Oui, mais là, moins constant. Peut-être. Oui, oui. Et moi, je mettais sur mon CV, diplôme, je mettais... expérience de la vie. Ah oui, ou l'école de la vie. Voilà, l'école de la vie. Oui, l'école de la vie. C'est ça, pardon, l'école de la vie. Ah oui, c'est très fort. Et les gens me disent, ah oui, bah ouais, je vais vous raconter. Voilà mon CV. C'est ça, exactement, oui. Et ça, c'était... Ah, je m'étais permis de conduire avec aussi. OK, ah ben oui, je sais conduire quand même. Mais en même temps, c'est pas juste conduire une voiture, c'est conduire ta vie. Voilà, enfin le parallèle. Oui, oui. L'air. L'air. Respirez. S'envoler. L'air. Respirez. Je suis quelqu'un du terrain et tu vois, peut-être que même un jour je chanterai plus. Je me sens bien avoir plusieurs métiers. Non, mais en même temps, tu peux continuer à chanter. Ah oui, non, mais quand je dis chanter. Et pas non plus uniquement sonore, ouais, ça peut ouais, être intellectuel. Mais bien sûr. Mais j'aime les animaux, j'aime. Là, tu sais que nous, on est en camping-car, on bouge ouais, beaucoup. C'est bien. Donc, vous êtes des troubadours. Oui. Et donc, notre c'est projet, beau, ouais, c'est de vivre peut-être d'ici un an, on va vivre complètement dedans. OK. Et de proposer toutes nos activités, même dans à des partir, villages où il n'y a rien. Ah ouais. Tu comprends ? On a déjà commencé à faire. Ouais. Il y a plein de petits villages qu'on voit quand on traverse, qu'on ne prend pas les autoroutes. Non. Sinon, on ne voit rien. Non, non, non, non. Et puis, c'est cher. Ah oui, oui. Ça coûte très cher. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Si tu veux sauf défricher, si tu es pressé et que tu as ouais, vraiment un impératif. Mais si tu veux défricher, tu dois voilà, voir ce qui se passe autour. Voilà. Pas les grandes. Et on voit des. Il y a des gens, tu t'arrêtes sur une place de village, où on joue beaucoup dans la rue, mais attends, mais c'est génial. Les gens sont... Et ça me fait du bien. Oui, parce qu'en en fait, il y a très peu de personnes qui vont les voir. Donc, quand vous êtes là, c'est comme un cadeau, mais c'est oui, comme... on offre ça. C'est nous, ça. C'est notre... enfin, moi, je me sens dans une petite mission, sans faire ouais, un grand mot, ouais, ouais, de dire, OK, on offre ce temps-là. La mission et la transmission aussi. La transmission. C'est la transmission, je préfère ouais, ça. Oui, oui. Oui, ouais, t'as raison. Je préfère la transmission. Oui. Et je voulais juste rajouter sur le fait de c'est quand même une attitude assez nomade. Bah, j'ai appelé moi, la voie libre et nomade. Hein, c'est ouais, la ouais, voie ouais, libre ouais, et nomade. Ouais, mais ouais, là, on se, enfin, moi, personnellement, je me sens bien avec ça. Parce que je ne sais pas comment dire le fait de rester sur un endroit, dans mon chemin. Mmh. Assez étonnamment, c'est quelque chose qui me... Je suis toujours appelé par le mouvement. Voilà. Ah, ça, on se rejoint beaucoup avec ça. Ouais. de bouger si tu veux pour aller. Et des fois on sait même pas où. Hein. Non mais en même temps, on peut aussi bouger en restant sur place. On oui, ben voilà. En fait, on est toujours dans le mouvement parce que nous, on est immobile même dans ce projet, mais. C'est comme on disait, le corps est limité, mais la conscience, elle peut aller en Inde. Là, si on veut, on va en Inde. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. On peut faire des projections mentales. Ben, chanter dans sa tête, comme tu disais tout à l'heure. On fait une petite référence, c'est Joe Dispenza, qui est le maître des visualisations. Ça, c'est important d'aller se renseigner. Par exemple, les masses musculaires entre des gens qui pratiquent réellement une demi-heure par jour. Ceux qui le mentalisent une demi-heure, on est qu'à 15-20% d'écart de masse musculaire développée. Au même titre que les gens qui font du saut à la perche, ils se visualisent. Avant, déjà, ouais, c'est fou ça. En fait, en sophrologie, on prépare hein, pour le sport ça. Mais les boxeurs aussi, hein, s'ils sont dans leur. Tous. Parce qu'on sent parce que c'est pas que. Ben oui. Ça sent très, ouais. Tu vois, par exemple, là, ma fille va passer le bac. Je lui dis, ok, tu prépares le bac. Bah oui. Oui, mais là, c'est le bac. C'est-à-dire que c'est un truc extérieur à toi. Mais si toi, tu ne prépares pas, tu auras beau avoir préparé le bac. Ah, ouais. Toi, tu arrives devant ta feuille. Si tu es stressé, angoissé. Pas. Et que t'as pas ça, t'auras des moments, ce que je veux dire. Donc, et les sportifs, ils ont bien compris. C'est vrai, on prépare vrai. Mon geste, je suis tennisman. Ça, c'est le sport. Et moi, je me prépare dans la confiance, l'énergie et tout ça. Parce que la pression descend quand tu te maîtrises, quand t'es pas pris de panique. Et en musique, c'est alors, ça que ça prend. Il y a ça, mais regarde, là encore, toujours pour revenir sur les trois dimensions, parce que là, on est rentré maintenant dans quelque chose de très factuel. C'est que là-dessus, il y a ta préparation, il y a l'anecdote là qui va avoir lieu. Donc là, tu vois, la préparation, elle est presque par rapport à l'anecdote, elle n'est pas visible. Okay. Mais maintenant, il ne faut pas oublier le numéro 3 là-dessus. C'est, moi, je ne sais pas quel nom il porte ou quel nom porte cette conscience qui est là et qui, elle, va peut-être décider que ce jour-là, d'ailleurs, il va y avoir une telle tempête que l'épreuve va être reportée. Ah ouais, ouais. Okay. Je le mets juste à ce niveau-là. Bon, les gens, ils y mettent le nom qu'ils veulent. Ouais, le son aussi qu'il y a quand on parle de ça, c'est intéressant. Et l'idée, c'est quoi? C'est ne pas oublier ce troisième. Ce petit troisième, ça consiste à dire, moi, je vais faire ma part, je vais honorer, probablement, comme ils veulent, les esprits du lieu. Ah! Mais ma beauté! Vous êtes là? Chez qui vous êtes? On va chez Machine. Chez qui, Machine? Le truc vintage. Comment tu vas? Ben, on fera un petit café après. Ouais, vous nous appelez. Non, mais ça va, on a fini bientôt. Bisous. Ah, okay. C'est fou, hein. Ah, ça, c'est les amis. Ah, oui, tu vois, mais je la vois passer souvent quand je fais des rencontres, elle fait toujours des babayes, des plis. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Regarde bien. C'est quand le 3D. C'est décidé, il va se passer quelque chose. La 3D, il y a l'anecdote, l'examen, il y a la préparation sur soi, et ici, tu mets toujours une petite pierre, même si elle est virtuelle, mais tu dis, excusez-moi, je vais rentrer dans votre périmètre. Il y aura un peu de dérangement, j'arrive avec bienveillance, je vous demande un peu d'aide aussi. Et tu les salues quand tu t'en vas. Là, c'est la 3 dimensions. Ouais. Et là, je peux te dire l'examen. Ah ben oui, puis en plus, on a eu un exemple. T'as vu? Un exemple sonore. Ah, c'était Julia Pallon, on va pas le dire quand même. Ah mais oui! Parce qu'on peut pas la voir. Non, mais, il faut. Mais on l'a senti. C'est dingue! Ah oui. Les vibrations on a étaient. Eu. Ouais. Mais c'est ça! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont arrivés à ce moment-là. Et voilà, c'est génial! Ça. C'est ça. Ils se sont télétransportés. C'est la 3D. Alors, hey, c'était une grande joie de c'est vous sympa, voir, hein? De vous rencontrer. Vous êtes des aides très intéressants qui vibrent. Ben, merci. Vous êtes hein. Des belles personnes. Ouais, c'est cool. Intérieur, extérieur. Quand tu es bon à l'intérieur, on essaye, tu projettes à l'extérieur. Donc, on se souhaite un passage peut-être au Québec. J'aimerais bien. Jamais. Moi, je ne connais pas. On sait jamais. Et tu sais que je m'appelle Pelletier. Oui, c'est, mais, excuse-moi, mais c'est un nom. Pelletier, au Québec, c'est la... deux L. Hein. Oui, je sais. Moi, c'est pas la même. Mais... Exactement, tu vois. Oui, mais, voilà. Mais c'est quand même étrange de. Mais pourquoi Pelletier? Où sont tes, est-ce que tes racines sont québécoises? Non, par contre. Parce que j'ai fait mon petit ADN, le test, on l'a fait. Ah oui, et j'ai pas mal de trucs en Finlande, en Écosse, en Italie. Je suis très européenne. Ah oui. Mais peut-être que mon cœur, enfin, on ne sait pas après. Oui. Hein, c'est mais pas c'est vrai, les Pelletier, si, il y en a pas beaucoup. Je sais. Hein. C'est non. Pour ça. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais que moi, c'est P-E-L-T-I-E-R. Oui, c'est vrai. Mais il manque les deux L, mais c'est pas grave. C'est ça la, c'est fait la... ta spécificité. Donc, il faut qu'elle aille là-bas pour le récupérer. Exactement. Peut-être qu'elle n'y a pas eu droit. Lui, il a fait un petit chant, mais je peux en faire un, moi. Oui. Ah, oui, okay, alors, j'ai pas d'instrument, mais non, on s'en fout. Mais ta voix est un instrument. Voilà. J'invente un langage, j'espère qu'on va pas m'insulter. Yewala, yeyahouma, ala, ala, weyima, mamba, yeyo, ala, heyo, mamba, la, Bye. baye ela madio mama ye. Merci Céline. C'était beau, c'était bien, bravo. Bravo. On s'applaudit. On s'applaudit. On va prendre des photos pour immortaliser ah oui. notre rencontre. Ah oui. Et puis pour nous montrer que nous sommes rayonnants. Ah oui. Et c'est voilà. grâce à toi, merci. Non, parce mais que, non, mais non, mais non, c'est grâce aussi, à nous. C'est grâce ouais, à nous. Tu es aussi très ouvert. Mercredi, j'ai eu un problème, malheureusement. C'est pas grave. Mais tu reviendras. Oui. oui, c'est partie remise. Hein. Tu reviendras le vivre. Nous allons vivre ensemble. Ah oui, je veux que tu vives l'expérience. Oui, oui, j'ai bien hâte, moi aussi. De voir ouais. qu'est-ce qui va sortir de ça. Ouais. Ou qu'est-ce qui, aussi ce qui va rentrer, ce qui va sortir. C'est ça. Ah, qu'est-ce que nous, on va recevoir. Ah, j'ai bien écouté. Hein? Ah oui. Ah, voilà. OK. Hey, merci. Oh, c'est cool. Chers amis, si je vous